Exercice 9, page 35. Du bois, du vert, du bleu. Ils ont tout ça. C'est merveilleux. Elle écarquille les yeux à chaque page. Son rêve prend forme, petit à petit. Non seulement elle a un chez-elle bien à elle, mais en plus, il va lui ressembler. Elle aime tous les verts, ils en ont. Tous les bleus, ils en ont aussi.